Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente. Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables. Épisode 3. Tu n'as rien vu à Tchernobyl. Ce qui est à l'œuvre au cœur du réacteur, c'est l'illustration par l'exemple de la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2, qui met face à face, dans un rapport constant, l'énergie et la masse, deux choses qu'il n'allait pas de soi de rapprocher. L'une établie comme proportionnelle à l'autre, tant il est vrai que rien ne disparaît, mais se transforme. Un neutron libre percute un atome. Plus précisément, un atome lourd, uranium ou plutonium, capte au sein de son noyau un neutron libre. Le noyau devient instable, se scinde en deux et libère deux ou trois neutrons. Parce qu'il perd en masse, sa fission dégage de l'énergie. À l'échelle de l'atome, c'est une énergie considérable. À notre échelle à nous, elle ne le devient que par le principe même de la fission nucléaire qui veut qu'une fois amorcée, la réaction se propage à des milliards d'atomes en quelques fractions de seconde. La sensation de l'homme qui comprend ça, qui sait être le premier homme dans l'histoire des hommes à le comprendre. La sensation de cet homme, en l'occurrence une femme, Lise Meitner, réfugiée en Norvège en 1940, à l'instant où l'idée jaillit qu'elle sait être la bonne, d'une portée inimaginable, sans commune mesure avec ce qui a été mis au jour jusqu'ici. En salle de contrôle, un agent appuie sur le frein. 2, puis 4, puis 8 neutrons libérés, et la réaction s'emballe. L'idée, n'en laisser libre qu'un seul et absorber les autres. Le nucléaire civil, c'est ça, le ronronnement d'une chaudière. Un neutron, une fission, un neutron. Au milieu, le modérateur, graphite, eau légère ou eau lourde. Dans les années 80, les Russes privilégient le graphite. Et les barres de contrôle. Bore, cadmium. Tous absorbeurs de neutrons. Les barres sont mobiles. En position basse, elles plongent au cœur des assemblages de combustible, dont la réactivité diminue jusqu'à l'arrêt complet. En position haute, le réacteur tourne à plein régime. Entre les deux extrêmes, les agents de conduite ajustent la puissance aux besoins d'approvisionnement du réseau électrique. Deux mécanismes garde-fous existent. Le premier interdit la remontée de la totalité des barres de contrôle pour prévenir un emballement du système. Le second déclenche automatiquement leur chute en cas de situation anormale, température ou pression par exemple. Le 25 avril 1986, à la centrale nucléaire Lénine, sur les rives de la rivière Pripyat, en Ukraine, 15 km au nord-ouest de Tchernobyl, 211 barres de contrôle sont à la disposition des opérateurs, techniciens, contremaîtres et ingénieurs en chef qui pilotent l'arrêt de la tranche numéro 4. C'est un arrêt ordinaire pour travaux de maintenance. Le réacteur est de type RBMK, une filière à eau bouillante modérée au graphite, développé par l'URSS et exploité uniquement à l'est du rideau de fer. Sur cette filière, le combustible peut être déchargé et rechargé tout au long de l'année, tandis qu'en Occident, les mêmes opérations doivent être précédées d'une mise à l'arrêt complet du réacteur. Le déchargement du combustible usagé permet d'extraire certains produits de fission recyclables, tels que le plutonium-239. La supériorité de la technologie soviétique est donc de pouvoir satisfaire à la fois les besoins des civils en énergie électrique et ceux de son armée en plutonium de qualité militaire, prélevé en quelques heures à la demande. Cet avantage a des inconvénients au plan de la sûreté. Les réacteurs RBMK sont réputés instables à faible puissance. Et en cas d'accident, l'absence de cuve autour du combustible et d'enceinte hermétique autour du réacteur prive la population d'un espoir de confinement des matières radioactives. La procédure d'arrêt de tranche est enclenchée le 25 avril au matin. Cette réduction programmée, par palier, de la puissance du réacteur avant son arrêt complet sera mise à profit pour faire un essai d'îlotage. L'objectif est de simuler une perte d'alimentation électrique. On vérifiera que l'inertie de la turbine permet d'alimenter les systèmes de sauvegarde jusqu'à ce que les diesels de secours prennent le relais. Le programme de l'essai a été rédigé à la va-vite, sans la rigueur nécessaire, signé et contresigné de la même façon et transmis par les voies hiérarchiques aux équipes chargées de le mettre en œuvre. Dans une conversation téléphonique, enregistrée la veille de l'accident, un opérateur s'adresse à l'un de ses collègues et s'étonne. Ici, dans le programme, il est dit comment procéder, et ensuite je vois que d'importants passages ont été biffés. Qu'est-ce que je dois faire ? Silence. Réponse de son collègue. Procède selon ce qui est supprimé. Après une matinée de baisse de charge progressive par insertion automatique des barres de contrôle, un premier palier est atteint à 13h. Au même moment, le répartiteur de Kiev doit faire face à un besoin accru de courant sur le réseau local et demande au directeur de la centrale d'interrompre la baisse de charge. Sa demande est contraire à la procédure, mais elle est acceptée. Le réacteur va devoir fonctionner pendant plus de 10 heures à mi-puissance. Ce régime anormal de fonctionnement libère dans les réacteurs de type RBMK une grande quantité de xénon, un gaz rare qui a la particularité de capter les neutrons et de faire chuter la réactivité. À 23h10, lorsque les agents de conduite reprennent la procédure, l'empoisonnement au xénon provoque un effondrement brutal de la puissance. À ce stade, l'essai d'îlotage devrait être abandonné, car le réacteur ne libère plus l'énergie nécessaire. Mais le responsable décide de mener le test à son terme. Ordre est donné aux opérateurs de passer en commande manuelle et de faire l'inverse de ce qui avait été fait au cours des 20 dernières heures, à savoir relever les barres de contrôle afin de relancer la réaction en chaîne. Un dispositif de sécurité bloque la remontée des 30 dernières barres. Ce dispositif est déconnecté, de même que les mécanismes automatiques d'alarme et d'arrêt d'urgence. De 30 barres, on passe à 20, puis 12, puis 6. Le niveau de puissance remonte, mais le réacteur est devenu très instable, et les opérateurs doivent procéder à des réglages à intervalles répétés de quelques secondes. Un chef d'équipe réclame que soit stoppé le programme d'essai en cours. L'ingénieur en chef s'y refuse. À 1h22, la poursuite de l'essai entraîne un nouvel effondrement de la puissance, les dernières barres de contrôle sont relevées. À 1h23, une première explosion, suivie d'une seconde, soulève les 1000 tonnes de la dalle de couverture. La dalle retombe à la verticale, mettant le réacteur à ciel ouvert. L'afflux d'oxygène enflamme le graphite. Du combustible, des composants du cœur et des éléments de structure sont projetés sur les bâtiments adjacents, et un nuage de fumée et de vapeur d'eau chargé de radionucléides s'élève jusqu'à 8 km dans l'atmosphère. Rapidement, les composants les plus légers, y compris des produits de fission et pratiquement tout l'inventaire des gaz rares, sont soufflés par les vents dominants en direction du nord-ouest. En cette fin d'avril 86, l'anticyclone s'est installé sur l'Europe. Il fait beau et chaud ces derniers jours, et dans la ville de Pripyat, à 3 km de la centrale, des hommes et des femmes dorment la fenêtre ouverte. Réveillés par les explosions, certains s'apprêtent à se lever, mais se ravisent. Très vite, le silence retombe. Il est 1h25. Vassili Nesterenko travailla pour l'armée soviétique dans le domaine nucléaire. Mais l'heure vint où le régime qu'il avait fidèlement servi apparut à Nesterenko sous un autre jour, à la lumière de Tchernobyl. Il décida alors d'arrêter, sans le moindre aval de ses supérieurs, les travaux scientifiques de l'Institut de l'énergie nucléaire de la Biélorussie. À la place, il mit tout son personnel à contribution pour étudier les conséquences de Tchernobyl et pour élaborer une politique d'aide aux populations sinistrées. Limogé, il a été le seul académicien biélorusse à vivre dans la précarité et à militer inlassablement en faveur de près de 500 000 enfants biélorusses qui résident toujours dans les zones contaminées du pays. Un autre scientifique, l'anatomopathologiste Yuri Bandajevski, a également lutté pour que soient reconnues les pathologies des habitants des territoires contaminés. Il a été condamné à 8 ans de prison en 1999 sous de faux prétextes. Suite à des pressions internationales, il est libéré mais assigné à résidence à Minsk. Dans la nuit du 31 avril au 1er mai, on m'a convoqué à la centrale des communications du comité de la sûreté de l'État, pourvu de liaisons téléphoniques spéciales, et à l'autre bout du fil, il y avait Valérie Legasov. Il était déjà à Tchernobyl. Je lui ai confirmé que l'emploi de l'azote liquide pour éteindre l'incendie ne provoquerait pas d'explosion. Un hélicoptère va venir te chercher. Nous élaborerons ensemble un plan pour éteindre le réacteur. This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety, no surprise. L'hélicoptère a atterri près de ma datcha, et je suis parti. Si, comme disent les croyants, l'enfer existe, je suis allé dans cet enfer. Nous étions suspendus à une altitude d'environ 300 mètres. Dans la cabine, il y avait environ 100 Röntgen par heure. Une dose énorme. C'était l'aube, quand le soleil matinal crée des contrastes nets. La visibilité était bonne. J'ai eu l'impression que le réacteur s'était vidé au moins de la moitié de son contenu en graphite. À travers la fumée épaisse, on voyait seulement les murs de béton qui brillaient un peu au soleil. La fumée était monstrueuse, une fumée rouge sombre qui s'élevait à au moins 100 mètres. L'hélicoptère volait autour du bloc numéro 4, nous ne pouvions pas le survoler à la verticale, c'était la mort assurée. La fumée se répandait en éventail. Nous avons donc été touchés nous aussi, car à cette époque, les cabines n'étaient pas protégées. J'ai même tenté de me pencher pour mieux voir, ce qui m'a procuré une brûlure au visage par le césium. À ce niveau de radioactivité, on sent physiquement les radiations. Quand les particules radioactives touchent la peau, elles provoquent une sensation de bronzage intense sous le soleil. Nous éprouvions une forte tension, peut-être à cause des circonstances peu communes. And all the children are insane. Quand j'ai essayé de me pencher, Legasov m'a saisi par le cou. Que fais-tu? Pense à ton fils. Il n'a que 12 ans. Nos familles étaient amies. Je lui ai répondu. S'il nous arrive quelque chose, tu penses vraiment que l'État ne subviendra pas à ses besoins? Et lui, me saisissant de nouveau par le cou. Tu parles. Maintenant je vois comment il se comporte. Avec les liquidateurs. La plupart de ceux qui étaient avec moi ne sont plus en vie. Legasov n'est plus là, le professeur Karasiov n'est plus là. Ils sont tous morts. Nous sommes restés au-dessus du réacteur une quinzaine de minutes, après quoi nous nous sommes soumis à la décontamination. Après ce survol, nous avons décidé, avec Legasov, de jeter les dosimètres que nous avions sur nous parce que les normes n'avaient pas été respectées et que ceux qui nous avaient permis de rester dehors aussi longtemps auraient été punis. Je pense que nous avons pris environ 100 REM. Je sais seulement qu'au départ, je pesais 84 kg et que 2 mois plus tard, mon poids n'était plus que de 61 kg. Le réacteur a brûlé pendant 10 jours. Je me rendais parfaitement compte de la gravité et de l'ampleur de l'accident. Comme j'avais été nommé responsable du contrôle de la situation radiologique à l'Académie des sciences, j'ai immédiatement affecté plus de 1200 collaborateurs de l'Institut à l'évaluation de la contamination et à l'établissement de cartes de radioactivité. Dans les mois qui ont suivi ma première lettre à Siliunkov, les 1000 pages de mes rapports au gouvernement étaient toutes du même type. Nous avons mesuré la radioactivité dans tel endroit. Voici les résultats. Nous proposons les mesures suivantes. Effet pratique quasiment nul. Une seule des recommandations de Vassili Nesterenko a été appliquée. Laver les rues avant le défilé du 1er mai. Je veux témoigner. Je l'ai vécu alors, il y a 10 ans, et je le revis tous les jours actuellement. C'est toujours en moi. Nous habitions la ville de Pripyat, cette même ville. Je ne suis pas écrivain et je ne pourrais pas le décrire. Mon esprit n'est pas assez vaste pour comprendre, et même mon éducation supérieure ne me le permet pas. On vit. On est un homme ordinaire, un petit homme. Comme tout le monde, on va au travail, on rentre du travail, on reçoit un salaire moyen et on part en vacances une fois l'an. Un homme normal, quoi. Et puis un beau jour, on se transforme en homme de Tchernobyl, en une curiosité, en quelque chose qui intéresse tout le monde et que personne ne connaît. On veut être comme les autres, mais on ne le peut plus. Les yeux des gens sont différents, et ils posent des questions. As-tu eu peur là-bas? Et la centrale, comment brûlait-elle? Qu'as-tu vu? Peux-tu avoir des enfants? Et ta femme, elle t'a pas quitté? Nous avons tous été transformés en curiosité ambulante. Même aujourd'hui, les mots de Tchernobyl retentissent comme un signal sonore. Tout le monde se retourne sur notre passage. Il vient de là-bas. Dès les premiers jours, les sentiments étaient que nous n'avions pas seulement perdu la ville, mais la vie entière. On nous évacua le 3e jour. Le réacteur brûlait. Je me souviendrai toujours des paroles d'un ami. Ça sent le réacteur. Une odeur indescriptible. On en a déjà parlé dans la presse. On a fait de Tchernobyl une usine d'horreur, ou plutôt une bande dessinée. Je ne vais raconter que mon expérience, ma vérité. C'était comme ça. Il y a une annonce à la radio, interdit d'emporter les chats. Je voulais cacher ma minette dans une valise, mais il n'y avait pas moyen. Elle se débattait, griffait tout le monde. Interdit aussi d'emporter des affaires personnelles. Entendu, je ne prendrai rien. À l'exception d'une seule chose. La porte de mon appartement. Il m'était impossible de la laisser. Quitte à clouer des planches pour condamner l'entrée. Notre porte, notre talisman. Une relique de famille. Mon père a été allongé sur cette porte. J'ignore l'usage ailleurs, mais chez nous... Ma mère disait qu'il fallait coucher les défunts sur la porte de la maison en attendant de les mettre en bière. J'ai passé la nuit près de mon père allongé sur cette porte. La maison est restée ouverte, toute la nuit. Et sur cette même porte, il y a des marques de bas en haut, ma taille à différents moments de mon existence, de petites encoches accompagnées d'une annotation. Première année d'école, seconde, septième, avant le service militaire. Et à côté... La croissance de mon fils, celle de ma fille, toute notre vie était inscrite sur la porte. Comment pouvais-je la laisser? J'ai demandé de l'aide à un voisin qui avait une voiture. Il m'a fait signe que j'étais timbré, mais je l'ai récupéré quand même, la porte. 2 ans plus tard, de nuit, en moto, à travers la forêt. Notre appartement avait déjà été pillé, nettoyé. Des miliciens me poursuivaient, On va tirer, on va tirer !» Il me prenait pour un pillard. Voilà comment j'ai volé la porte de ma propre maison. J'ai envoyé à l'hôpital ma fille et ma femme. Elles avaient des taches noires sur le corps. Elles apparaissaient et disparaissaient, grosses comme des pièces de 5 copecs. Mais elles avaient pas mal. On leur a fait passer des examens. J'ai demandé les résultats, on m'a répondu « Cela ne vous concerne pas !» Mais ça concerne qui alors ? À l'époque, tout le monde disait que nous allions tous mourir, que vers l'an 2000, il n'y aurait plus de Biélorusse. Ma fille avait 6 ans. Je l'aborde et elle me murmure à l'oreille « Papa, je veux vivre, je suis encore toute petite. » Et moi qui pensais qu'elle comprenait pas. Pouvez-vous imaginer 7 petites filles totalement chauves en même temps ? Elles étaient 7 dans la chambre. Non, non, c'est assez, je peux pas continuer. Lorsque je raconte cela, j'ai l'impression de commettre une trahison. C'est mon cœur qui me le dit, parce que je dois la décrire comme une étrangère, ses souffrances. Ma femme ne pouvait plus supporter de la voir à l'hôpital. Vaut mieux qu'elle meure plutôt qu'elle souffre comme ça, ou que moi je meure pour plus voir ça. Non, non, je peux pas continuer, non. Nous l'avons allongée sur la porte qu'avait supporté mon père jadis. Elle est restée là, jusqu'à l'arrivée du petit cercueil. Il est à peine plus grand que la boîte d'une poupée. Je veux témoigner que ma fille est morte à cause de Tchernobyl et que l'on veut nous faire oublier cela. Comparées à celles d'Hiroshima, les doses reçues à Tchernobyl sont insuffisantes pour provoquer des maladies. C'est devenu un dogme, un a priori, un axiome, un postulat, une question de principe qu'on ne discute pas. L'argument avancé pour nier la corrélation entre les maladies nouvelles observées chez les habitants de Tchernobyl et les faibles doses de radioactivité qu'ils reçoivent quotidiennement via les aliments et que cette relation de cause à effet est impossible. Elle ne correspond pas à la relation entre les irradiations et les pathologies constatées chez les survivants japonais des bombes atomiques. Ces derniers furent alors exposés à des doses d'irradiation externe très élevées au moment de l'explosion. Expliquer aujourd'hui Tchernobyl par Hiroshima est une esquive. Un artifice qui n'a rien d'une démarche scientifique. Il est erroné de comparer ces deux désastres. Les deux événements et les mécanismes qui portent atteinte à la santé sont en effet très différents. Il n'y a pas eu d'explosion atomique à Tchernobyl. Tchernobyl a connu deux explosions thermiques séparées par un intervalle de quelques secondes et un incendie qui a duré 10 jours. Aujourd'hui, le fond radioactif autour de la centrale est faible. Mais d'énormes quantités d'éléments radioactifs artificiels ont été éjectés lors de l'explosion thermique et dispersés à de grandes distances au gré des vents et des pluies. Certains ne disparaîtront qu'au bout de plusieurs siècles. Le césium-137 et le strontium-90 en 300 ans, le plutonium-239 en 241 000 ans. Ces éléments contaminent l'environnement, les plantes, les animaux et les êtres humains. Ils ont détruit la santé et la vie de centaines de milliers de jeunes liquidateurs qui ont ingéré et inhalé les particules radioactives en travaillant autour de la centrale. Ils contamineront les générations futures, les descendants des habitants de plus en plus malades à force de consommer ces radionucléides depuis 20 ans. La bombe d'Hiroshima et l'incendie de Tchernobyl ne sont pas comparables. L'une n'explique pas l'autre. Dans le premier cas, il s'agit d'une très forte explosion externe au flash immatériel de rayons gamma. Dans le second, d'effets de proximité de particules microscopiques incorporées dans les tissus vivants. Mais le second cas n'existe pas pour la science. Il ne fait pas partie du savoir autorisé. Il n'est pas publié dans les rapports validés. Pour le consortium atomique mondial, qui réunit Pentagone, Conseil de sécurité, AIEA, UNSER, OMS, CEA, AREVA, COGEMA, CEPN, Siemens, hors des paramètres du dogme Hiroshima, à Tchernobyl, aucune corrélation n'a été observée entre pathologie et radioactivité. pour les experts détenteurs du savoir légitime, seules les doses très élevées du flash gamma sont pathogènes. À Tchernobyl, selon eux, la corrélation ne peut pas exister a priori car les doses sont trop faibles. Aujourd'hui, l'argument de la guerre froide n'existe plus. Depuis l'évidence de la catastrophe sanitaire de Tchernobyl, l'ignorance est devenue une stratégie criminelle et un mensonge par omission du lobby nucléaire civil et militaire qui a asservi à ses fins les agences de l'ONU responsables de l'atome et de la santé. Les États nucléaires, eux, dont les ministres ne sont pas nécessairement des experts, y trouvent la caution scientifique nécessaire à la légitimation de leurs décisions politiques suicidaires. Confidentiel. Protocole numéro 5 du 4 mai 1986. À ce jour, un total de 1882 civils ont été hospitalisés pour irradiation. 38 000 patients examinés. Le lendemain, un total de 2757 admissions dans les hôpitaux. Confidentiel. Protocole numéro 7 du 6 mai 1986. À 9h du matin, on compte 3454 personnes hospitalisées. 2609 d'entre elles sont sous traitement. Admission à l'hôpital numéro 6 de Moscou de 179 personnes irradiées. Le 8 mai, à 11h du matin, on en compte 5415. Confidentiel, protocole numéro 12 du 12 mai 1986. 10198 personnes ont dû être hospitalisées. Yaroshinskaya dit qu'à partir du 13 mai, les malades commencent à être renvoyés chez eux de façon massive. Il faut revenir en arrière. Confidentiel, protocole numéro 9 du 8 mai 1986. Question d'Alès Adamovitch, député biélorusse au vice-président du Conseil des ministres de l'URSS. Est-il vrai que les districts de la région de Mogiliev, très éloignés de Tchernobyl, tels que Krasnopol, Slavgorod ou Tcherikov, ont reçu des doses de radiation aussi fortes? C'est parce que l'on a bombardé le nuage radioactif qui se dirigeait vers Moscou pour qu'il tombe sur ces territoires et qu'il épargne la capitale? Confidentiel, protocole numéro 10 du 10 mai 1986. Dans la deuxième disposition, le groupe stratégique du Politburo ordonnait au ministère de l'Agriculture de ne pas envoyer à Moscou la récolte de légumes, tubercules et autres produits des champs contaminés. Mais on pouvait les envoyer dans d'autres villes de l'Union soviétique. Ces mesures ont été prises pour la sécurité des autres centrales atomiques, qui ne doivent en aucun cas suspendre leur régime de production. Confidentiel, protocole numéro 32 du 22 août 1986. Afin d'éviter un excès de substances radioactives dans l'organisme, il faut disperser la viande contaminée et l'employer en charcuterie et conserve, à raison d'un dixième mélangé à de la viande propre. Cette prescription est valable pour tous les territoires, y compris la Moldavie, les républiques transcaucasiennes, le Kazakhstan et l'Asie centrale. L'unique exception sera Moscou, où des lots de viande contaminée ne seront pas envoyés. So you better get ready, ready to go. You can come as you are, but pay as you go. Peu après l'accident, une femme résidant dans la région de Tchernobyl témoigne. Le ministre Romanenko a recommandé à la population de fermer les fenêtres. Il fallait aussi nettoyer les semelles des chaussures avant d'entrer dans les maisons et passer un linge humide sur les meubles. C'était très important de le faire. On devait d'abord boire beaucoup de lait, mais après plus du tout parce que le lait était contaminé. Les vaches mangent de l'herbe et on nous a dit que c'est dans l'herbe qu'il y a le plus de radiation. Buvez donc de l'eau, sans rien. De l'eau en abondance. Il faut hydrater le corps pour que les particules radioactives s'évacuent par la sueur et l'urine. Plus tard, ils ont dit que l'eau aussi était contaminée, surtout celle des puits et des étangs. Ne prenez pas de mesures particulières. Continuez à mener une vie normale, comme avant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire finalement ? Voilà comment il faut préparer les champignons. D'abord, on les plonge dans l'eau plusieurs litres avec 2 cuillères de sel. On les y laisse toute la matinée, puis on jette l'eau. On recommence l'opération 2 fois. Et le soir, ils sont propres à 80%. C'est une infirmière qui me l'a expliqué. Encore que dans certaines eaux, il y a peut-être plus de radioactivité que dans les champignons. Et alors ? Ils sont venus me voir pour mesurer la radioactivité des champignons. Pour une poignée, ça donnait 9000 becquerels. Vraiment, j'ai demandé. J'avais très peur. Ils notaient tout sur un carnet et faisaient des calculs. 47000 becquerels par kilo. Apparemment, jusqu'à 3000 par kilo, on peut en manger. Mais plus, on en meurt. Vous savez ce qu'il faut faire maintenant avec ces patates ? Il faut les mettre dans de l'eau salée entre 6 et 8 heures. Puis vous jetez l'eau et vous recommencez l'opération. Comme ça, dans 3 ou 4 bains. Demain, elles auront moins de césium. Et je crois que le strontium-90 aussi s'en va un peu. Le choc qui a vraiment changé ma vie, c'est la contamination des enfants. Nous avions insisté dès le début de mai pour qu'on les évacue. Mais c'est seulement après le 10 mai qu'ils ont commencé à être évacués. Je repense à une de ces réunions nocturnes dans la salle du bureau du comité central, où moi et le président de l'académie nous insistions pour qu'on prenne des mesures, qu'on évacue les enfants, et personne ne nous soutenait. Peu de temps après, je suis allé voir ce qui se passait à Koïniki. À mon retour, le président de l'académie a réuni tous les directeurs d'institut pour entendre mon rapport. En leur racontant ce qui se passait là-bas, j'ai même eu une crise de nerfs. Je me suis mis à pleurer, parce que j'avais l'impression de parler à des sourds. Personne ne voulait rien faire. Cependant, mon inquiétude a fini par se transmettre, et autour du 10 mai, ils ont commencé à bouger. Au cours de mes missions, je me suis trouvé à Gomel, au moment de l'évacuation des enfants. Ce que j'y ai vu a été l'ébranlement décisif qui a changé le cours de ma vie. À ce moment, il n'était plus possible de quitter ni Kiev ni Gomel. Les gens se ruaient littéralement sur tous les moyens de transport pour quitter ces villes. On avait amené les parents et les enfants à la gare, où de nombreux convois attendaient. J'ignore comment on les y avait amenés, probablement par la force. On arrachait les enfants aux mères, on les jetait dans les convois, et on les envoyait vers une destination inconnue, dans l'Oural, en Bachkirie, en Oudmourtie. On chargeait les enfants par dizaines de milliers dans ces trains, et ils partaient. Cela m'a rappelé mes souvenirs d'enfants pendant la guerre. Les Allemands, pendant leur retraite, qui protégeaient leurs troupes par des femmes et des enfants terrorisés, ils les avaient placés devant des chars, pour que nos avions ne les bombardent pas. C'était des cris, des hurlements. À la fin, des poches s'étant créées, les nôtres ont bombardé quand même, et il y a eu un grand nombre de tués. On a mis une semaine à les enterrer. À Gomel, j'ai revécu cette scène. On s'emparait des enfants, on les chargeait et on les amenait dans les pleurs, les cris, les appels hystériques. Une première impression. Plus tard, j'en ai eu une autre. Une file interminable d'autocars passait sur la route extérieure à la ville près de la datcha où nous habitions. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé jusqu'au sanatorium voisin. Les cars étaient arrêtés là, des enfants épuisés en sortaient. Vous vous imaginez, après un voyage de 6 à 8 heures, sans eau, sans nourriture, vêtus n'importe comment, éreintés, accablés. Je les voyais avancer. Lorsque je les mesurais, tous étaient irradiés. La troisième fois où j'ai été bouleversé, c'est quand, convoqué par le président de l'académie, j'ai examiné les enfants acheminés à Rakov dans un camp de prisonniers, non loin de l'institut. Chaque enfant portait un jouet, des vêtements, que nous devions contrôler avec le dosimètre. Tout était contaminé. Il fallait tout jeter. Nous leur avons acheté des vêtements, neufs. Nous avons tout enlevé, puis jeté dans la fosse radioactive. À ce moment-là, j'ai pensé que si cette technologie causait un tel malheur à des centaines de milliers de personnes, elle n'avait pas le droit à l'existence. Il est impossible d'avoir dans chaque centrale nucléaire des scientifiques de haut niveau chargés de veiller à ce que le règlement soit respecté. À Tchernobyl, s'ils n'avaient pas bloqué les systèmes de sécurité, cet accident ne serait pas arrivé. Pourtant, il a eu lieu. La conscience morale de l'humanité n'est pas à la hauteur d'une technologie aussi dangereuse. Et cela, dans le monde entier. La nuit, je vole. Je vole dans une lumière forte. Ce n'est pas la réalité, mais ce n'est pas l'au-delà non plus. C'est l'un et l'autre. Et encore une troisième chose. Dans mon rêve, je sais que je peux pénétrer à l'intérieur de ce monde et y passer un moment. Ou y rester. Ma langue se paralyse. Je m'essouffle. Mais là-bas, je n'ai pas besoin de parler à qui que ce soit. Quelque chose de semblable m'arrivait dans mon enfance. J'étouffe du désir de m'unir aux autres. Mais je vois personne. Rien que la lumière. J'ai la sensation que je peux la toucher. Que je suis énorme. Je suis avec tout le monde. Mais je suis déjà de côté. Séparée des autres. Seule. Dans mon enfance, j'ai vu dans les rêves des images colorées de la même manière que maintenant. Dans ce rêve. Il m'est revenu à plusieurs reprises. Il arrive à des moments où je ne peux penser à rien d'autre. Une fenêtre va soudain s'ouvrir, un coup de vent inattendu. Qu'est-ce que c'est? D'où vient-il? Où souffle-t-il? Entre quelqu'un et moi, un lien s'établit, un contact. Mais comme ces murs gris de l'hôpital me dérangent, comme je suis encore faible. Je couvre la lumière par un effort mental parce que elle m'empêche de voir. Je me tends vers le haut. Vers le haut. J'essaie de voir. Je commence à regarder vers le haut. Maman est venue. Hier, elle a accroché une icône dans ma chambre d'hôpital. Elle chuchote dans les coins. Devant l'icône, se met à genoux. Tout le monde se tait. Le professeur, le médecin, les infirmières. Ils pensent que je devine pas. Que je sais pas que je vais bientôt mourir. Ils ne savent pas que la nuit j'apprends à voler. Qui a dit que c'était facile de voler? Jadis j'écrivais des poèmes. À 11 ans, je suis tombée amoureuse d'une fille. À 14 ans, j'ai découvert l'existence de la mort. Garcia Lorca avait une expression, la sombre racine du cri. J'ai entrepris d'apprendre à voler. Je n'aime pas ce jeu, mais que faire? J'avais un ami, il s'appelait Andrei. On l'a opéré 2 fois avant de le renvoyer à la maison. Il devait subir une nouvelle intervention dans 6 mois. Il s'est pendu avec sa ceinture, dans une classe vide, pendant que tous ses camarades participaient au cours d'éducation physique. Les médecins lui avaient interdit de courir, de sauter. Yulia, Katia, Vadim, Oksana, Oleg, et maintenant c'est Andrei. Nous mourrons et nous deviendrons la science, disait Andrei. Nous mourrons et on nous oubliera, pensait Katia. Nous mourrons, pleurait Yulia. Pour moi, le ciel maintenant est vivant, et quand je le regarde, ils sont là. Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire.